m'en bats les couilles. Ça date pas d'hier, j'suis pas venu passer le balai ou la serpillière. Regarde un peu tout ce qui se passe autour, corps comme un crash et t'as pas ta ceinture comme mes alentours. Tu vois trop de gens manquer d'attention, trop de manipulation, rare de voir un mec calmer les tensions. Pourtant, on essaye tous de faire au mieux. On s'en remet au cieux, on demande pourquoi à nos dieux. On a tous du mal à tourner la page, mais on n'oubliera pas tous les loups, les rapaces et tout le dérapage. Même moi, des fois, j'ai du mal à me comprendre. Dis-moi pourquoi, y'a que devant Dieu qu'on tremble. Dis-moi pourquoi les gens s'embrouillent pour rien. Certains coins, ils restent des ariens, on te calme pour un périn. Dis-moi pourquoi les gens sont fous, pourquoi les gens s'en foutent. Dire qu'il y a 8 ans, je ne voyais pas la vie s'en fout. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, c'est rare, le bonheur et la joie. Pire, les deux à la fois, heureusement, il nous reste la foi. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, pourquoi, y'a que dans la minute, qui reste un poste à pourvoir. Vas-y, couche, dis-moi pourquoi. Certaines, sous la canicule, portent la burqa. Vas-y, dis-moi pourquoi, le monde est stop. Pourquoi je mange pas tous les soirs en resto. Dis-moi pourquoi j'aurais pas le droit de croquer dans la pomme. De mettre des lucarnes à la tonne. Trop de choses que j'ai du mal à cerner. Pour ceux qui jouent les choses, sachez que j'ai les poings serrés. Dis-moi pourquoi on se fait balance par les vues. Pourquoi mes parents se parlent plus. Dis-moi pourquoi, pour moi l'amour est mort. Que l'amitié est d'or, pourquoi mon flow à la belle qui mord. Dis-moi pourquoi les gens copient. Trop de putes pèsent avec les mecs de leur copine. Dis-moi pourquoi rassurent les mecs qui s'aiment jusqu'au bout. Moi je veux juste le trou, pourquoi des meufs veulent juste le poule. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, c'est rare, le bonheur et la joie. Pire, les deux à la fois, heureusement, il nous reste la foi. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, pourquoi, y'a que dans la minute, qui reste un poste à pourvoir. Dis-moi pourquoi, pas de démotivation, si peu de communication. Le bonheur n'est qu'une occasion. Dis-moi pourquoi, ce fils de pute veut nous nettoyer au karcher. Moi je propose qu'il a niqué sa mère. Dis-moi pourquoi, tant de haine, tant de cœur qui saigne. Dis-moi pourquoi le FN. Dis-moi, je suis né à Massy et pas ailleurs. Ne pas parler des tirailleurs, à 8 ans j'ai des bagarres. Dis-moi pourquoi, le monde est paro. Pourquoi on se retrouve pour rien derrière les barreaux. Pourquoi y'a des schlags comme un Brenock. Est-ce qu'on peut, pourquoi on fait pas ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut. Dis-moi pourquoi, ce n'est plus pareil qu'avant. Dis-moi pourquoi, à Massy ça ne sent pas la lavande. En tout cas, c'est pourquoi tu peux pas taire le 9-1. Pourquoi, en ce qui concerne l'amour, je reste sur ma faim. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, c'est rare, le bonheur et la joie. Pire, les deux à la fois, heureusement, il nous reste la foi. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, pourquoi, y'a que dans la minute, qui reste un poste à pourvoir. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, c'est rare, le bonheur et la joie. Pire, les deux à la fois, heureusement, il nous reste la foi. La vie est chelou, je ne sais pas pour toi. Elle me laisse rarement souffler, je sais pas pourquoi. Dis-moi pourquoi, pourquoi, y'a que dans la minute, qui reste un poste à pourvoir. Ok, dis-moi pourquoi. Le solo à Tibet, Massy, 91, Riminel. Ok, Tibet, dis-moi pourquoi y'a que des mamacitas. Ici, c'est Kara Kara Pura. C'est donc ça la vie. C'est Riminel, Tibet.